16:36. Activation, dictée. Invitation au voyage. Vous avez vu beaucoup de cathédrales ? Je crois que j'en ai vu 2 ou 3. Chartres, vous connaissez ? Oui, enfin, je connais le nom. Je sais qu'il y a une très belle cathédrale, mais je n'y suis jamais allé. Vous n'avez pas envie d'y aller avec moi, par hasard? Oh oui, j'en ai envie. Eh bien alors, allons-y lundi. Vous voulez bien? Lundi, je ne peux pas. Je dois finir un travail pour mon cours d'histoire de l'art. Mais allez-y tout seul. Oh non. Je n'ai aucune envie d'y aller tout seul. Si j'y vais tout seul, je vais m'ennuyer. Essayez donc de finir votre travail pendant le week-end. Relisez ce que vous avez fait. Vous avez vu beaucoup de cathédrales? Je crois que j'en ai vu 2 ou 3. Chartres, vous connaissez? Oui, enfin, je connais le nom. Je sais qu'il y a une très belle cathédrale, mais je n'y suis jamais allé. Vous n'avez pas envie d'y aller avec moi par hasard? Oh oui, j'en ai envie. Eh bien alors, allons-y lundi. Vous voulez bien? Lundi, je ne peux pas. Je dois finir un travail pour mon cours d'histoire de l'art. Mais allez-y tout seul. Oh non, je n'ai aucune envie d'y aller tout seul. Si j'y vais tout seul, je vais m'ennuyer. Essayez donc de finir votre travail pendant le week-end.